Attention, attention, il reste 16 minutes avant l'apocalypse. Nous vous prions de rester calme et de ne pas paniquer. Allô? Est-ce que t'as pesé sur start? Oui, j'ai pesé sur start quand j'ai dit que j'ai pesé sur start. Ah, mais je le savais pas. Fait que là, on est en train de perdre du temps parce que le compte du micro-ondes de l'apocalypse continue. Il a déjà commencé. Puis dans 15 minutes, il va nous rester une minute, puis après on meurt. Ça va mal. Là, c'est stressant, puis on sait pas quoi dire, je suppose. Tu vois, je t'avais dit que ça aurait de l'air fake. Ouais. Est-ce qu'on explique pourquoi? Ben, parce que Naf, on a essayé comme d'enregistrer tantôt, mais son déshumidificateur a parti. Ça fait full de bruit, puis là, Naf a trouvé que... Oh, fait que là, on a arrêté, c'est moi qui est important. Fait que là, on a arrêté. C'est pas genre David et le déshumidificateur à Narf, c'est Narf et David. Fait que c'est moi qu'il faut qu'on entende. Ta gueule. On a arrêté, puis ce qu'on a décidé, c'est qu'on a décidé de retarder l'apocalypse un petit peu. Oh shit. On est hot. Ce qui est quand même pas une mauvaise chose. Moi, je trouve que. C'est pas pire, là. Ça prouve qu'on a du power. Non, mais sérieusement, comment est-ce que vous vous sentez, là? On vous fait vivre une apocalypse à toutes les semaines. C'est pas donné à tout le monde, là. Un apocalypse par semaine. Surtout que là, en plus, étant donné que ça a pris un peu de temps avant qu'on publie le dernier, il est sorti, quoi, lundi, je pense? Ouais. Mais, fait que là, ça va faire comme 4 jours plus tard, encore un autre apocalypse. OK. Mais, tu sais, les docteurs disent ça, un apocalypse a day keeps the doctor away. Ah, ouais. Un apocalypse par jour éloigne le docteur pour toujours. Ouais. Ça marche aussi en français, c'est ça qui est fantastique. Ça marche aussi en français, c'est ça qui est fantastique. Et le pire, c'est que ça marche aussi avec les animaux. Non, c'est ta gueule, t'es dégueulasse. Bon, qu'est-ce qu'on fait, là? Qu'est-ce qu'on fait? On a toujours... Moi, j'ai mis une idée tantôt pour de composer une toune d'intro live, parce que là, sinon nos introductions sont vraiment laides. Une toune d'intro, je sais pas, une toune c'est comme... C'est parce qu'il faudrait qu'elle joue en même temps qu'on parle, sinon ça va juste gruger notre temps de parole. Non, mais c'est nous qui la chante. C'est nous qui la chanterait. Genre, mettons, ça pourrait être les 16 minutes de l'apocalypse. Mais non. Pourquoi? Ben, premièrement parce que c'est laid, puis deuxièmement parce que vu qu'on est par téléphone, tu sais bien qu'on peut pas chanter en synchro. C'est pas grave, ça va être drôle en maudit. Je sais pas, ça je suis pas sûr de ça par exemple. Ben, qu'est-ce que tu proposes de voir? Pour remédier au problème des intros LED. Je sais pas, parce que moi ce que j'avais pensé en fait pour le 16 minutes, c'était mettre genre un petit bip bip comme dans 24 heures chrono. Ou un petit. Utiliser la toune. La toune que j'avais mis à la fin la dernière fois, là, la toune stressante de la dernière minute. On pourrait la mettre au début. Ben, c'est vraiment mieux à la fin. Et mieux à la fin? Ben oui. On venait de dire que c'était vraiment cool. Ben, on peut la mettre aux deux places. Ben là, c'est moins original. Tu sais, ça va être moins cool. On va faire comme on l'entend au début. Ah, c'est de la même. Tu sais, j'ai plus de surprise. Je m'y attendais déjà un peu. Ouais, ok, j'avoue. Moi, ce que je trouve drôle, là, c'est que un jour, quelqu'un, quelque part, va écouter nos podcasts et va reconnaître cette toune-là. Puis va faire comme, oh my god, c'est la toune de... quelque chose. Que je sais pas c'est quoi. Ah ben non, je le dis pas. Tu peux même le dire dans l'oreille. Hein? Dis-moi dans l'oreille. Ferme ton micro, là, puis... ou genre, mets ta main dessus, puis dis-moi le savoir. Non, ben, on pourrait le censurer au montage. Genre. Ah non, on fait pas de montage. Oh merde. Mais non, on peut bien en faire un petit peu juste pour censurer ça. Ah, on va mettre un petit pchit quand je vais te le dire. Non, je te le dis pas. Non, je te le dis juste pas. Parce que c'est bien plus hot de même. Parce que je sais que toi tu vas le dire à tout le monde. Je le dirai pas à tout le monde. Anyway, j'ai pas d'amis. J'ai personne à qui le dire. Sauf à toi. T'as-tu des amis sur Facebook? Facebook c'est pour les faibles. Mais t'en as un Facebook. Ouais. Parce que moi maintenant j'en ai un depuis à peu près une semaine. Moi j'en ai un depuis genre un an, je pense. Mais tu l'as pas utilisé depuis longtemps. Ben, je m'en sers juste pour accepter ceux qui me reconnaissent pis ils veulent être mon ami, genre. Ah, ben t'as-tu accepté mon invitation? Oups. Ben, je te l'ai envoyé cette semaine. Tu me l'as envoyé. Je l'ai reçu un matin, genre. Ce matin. Puis tu m'as pas accepté. Écoute, J'avoue que Naf. c'est un peu honteux, là, parce que, tu sais, ouais, je suis rendu sur Facebook, pis donc c'est un peu poche. Mais c'est parce qu'en fait, MySpace était hot, mais en même Ouais, temps, MySpace, Facebook, j'avais c'est... genre 300 amis, là, c'est mon Ouais, gars. mais c'est pas la même chose, c'est vraiment différent. En plus, c'est Non, mais c'est ton drôle, vrai mais sur nom. MySpace, là, j'ai rencontré la sœur à Dominique Leblanc avant même de savoir que Dominique Leblanc existait. C'est qui, Dominique Leblanc? La Renée dans Kiowa. Oh, René! J'ai rencontré sa sœur sur MySpace. Puis je savais même pas que N'importe c'était quoi! genre elle. Mais comment que t'as su que c'était elle? Je sais pas, j'ai comme parlé de ça avec Dominique l'autre jour, puis là elle a comme fait ah, on dirait comment t'en parles que c'est ma sœur. Puis là elle a été se connecter sur MSN, puis sa sœur était là, puis là en jasant on s'est rendu compte que c'était elle. N'importe quoi! C'est vraiment drôle. C'est les découvertes de Facebook. De De Facebook. MySpace. Pourquoi tu C'est parles de de MySpace, hein, Facebook? que tu parlais? Tu Moi, moi. utilises Facebook pour avoir des histoires de fesses? Non. C'est de Non, c'est même que toi tu qui t'en tripes sur sers? les fesses. Je le sais, Non, mais je t'sais. m'excuse, mais c'est toi qui as dit Facebook, ok? Oh, ça me fait penser, faut que je te dise quelque chose de vraiment hot, ok? Ouais. Parce que je sais que t'arrêtes pas de tout le temps faire des jokes de fesses. Puis Ben, que en tout cas. t'arrêtes pas d'en parler, puis de Vas-y, trouver. fais juste accoucher, là. Ok, 16 minutes pour mais accoucher. j'ai découvert le jeu parfait pour toi. Ok, c'est sorti sur la Wii l'autre jour, genre la semaine passée. Ça s'appelle Wario Land Shake It. Ok, puis Mario évidemment, quoi? Wario Land. Wario Land? Ouais, Wario Land Shake It. Bon, c'est comme une suite dans la série des Wario Land, mais ça c'est pas important. L'important, c'est que, bon, étant donné que c'est un jeu de Wario, évidemment, on peut s'attendre à des nez puis de l'ail. Tu sais, parce que ça, c'est comme des thèmes récurrents dans Wario, là. Je Ouais. pense que t'as Ouais, joué à c'est assez ça. de jeux Oui, de oui, Wario. oui, oui, oui, Puis oui. évidemment, tu sais que Wario est gros puis tout ça, là. Bon. Puis là, Ben, t'essaies dans de ce dire que jeu... Wario, c'est David, genre. Non, non, non, non, Parce non, qu'il non. parle de nez, puis d'ail, puis Non. il est gros, puis une Non, parce que moustache. c'est le jeu de Wii qui contient le plus de fesses que j'ai jamais vu. Sérieux, Mais c'est c'est... comme... C'est assez impressionnant. Bon, évidemment, on voit, tu sais, dans les cutscenes, on voit Wario qui se gratte le cul, mais ça va. C'est juste qu'à un moment donné, bon, dans le jeu-là, il y a un télescope, ok, puis tu sautes dedans, puis tu te promènes là-dedans. L'affaire, c'est que le télescope, c'est comme ta map. Mouh! Quoi? C'est Tu te rappelles pas pas c'est intéressant. quoi? Bon, mais en tout cas, il y a un télescope, puis Non c'est mais ça. tu te rappelles pas c'est quoi mou? Ah, oh, mou! J'ai compris, Ouais. ouh! Non Non, c'est pas mou. mou. Non, non, non, non, tu vas voir. Wario, Non là. mais je trouve que mou un peu. Oui, mais il y a des fesses, là, qui s'en viennent. Ouais je m'en fous c'est mou. Il y a promesse de fesses. Mou mou mou. Ah, non, va chier. Je veux dire, t'en parleras sur le blog au pire, là, mais... Ok, J'ai presque fini, il me reste comme une phrase à dire. une phrase, pas plus. Quand Wario s'apprête à sauter dedans, là, pendant qu'on choisit le tableau, Wario se branle le cul dans notre face, constamment. Puis ça rebondit de partout. Puis Belle dans la phrase. cinématique du Ça fait une début, phrase... puis dans la T'as plus le cinématique droit du de début, continuer. Arrête! Ça fait une à phrase. fin, Bon, de quoi à qu'on... fin, ça Fait fait que là, un on a encore un zoom sur problème son cul. d'opening plate. On a quand même un problème d'opening plate. Qu'est-ce qu'on fait? Il nous reste genre, disons, 5 minutes là, pour régler ça avant que ça Parlant de jeu avec explose. des fesses, là, tu sais que Narf. sur la Wii va Mou! sortir le premier jeu Mou! contrôlé par les fesses. Ça, c'est le prochain Là, je vais le Rayman laisser Raving parler tout Rabbids seul parce qu'il TV comprend pas Party. que je trouve ça plate. Ah, tu m'écoutes pas, hein? Ça fait encore du bruit dans le téléphone, ça veut dire qu'il continue à parler. Ah, oh, t'as comme enlevé ton téléphone? Ah, je pense qu'il a compris. Allô? Tu m'écoutais plus, là? Non? T'es vraiment poche. Non, c'est toi qui es plate, Narf. Pas écouter le téléphone, c'est pour les faibles. Bon, mais avoir des intros poches, c'est pour des podcasts faibles, Puis au fait que moins je j'aimerais raconte ça. quelque chose. Bon, ben ok, Bravo! T'es tellement fais-la ton supérieur. intro. Fais-la ton intro, c'est ça que tu veux. Mais on Go. peut la faire ensemble? Ah, oh, Non, ça moi doit j'ai être pas. frustré live, là! Ben, c'est pas mal ça que je fais, là. T'sais, je veux dire, la dernière fois, on a instauré ça pour que notre podcast soit intéressant. Puis la première occasion que je l'utilise, ça frustre ton petit ego. Le mou, ça, tu parles? Oui, c'est pour le mieux, le mou. Le mou, c'est pour le mieux. Ouais. Ah. C'est pour qu'on ait un 16 minutes avant l'apocalypse. Tu sais, c'est pour que les 16 dernières minutes avant l'apocalypse soient intéressantes. Personne ne veut Est-ce savoir qu'on est que dedans, d'ailleurs? Wario se branle les fesses. Oh, il reste 6 minutes. Genre, avant l'apocalypse, là, les gens, ils veulent comme savoir c'est quoi notre intro, ou ben non, avoir leur horoscope, mais pas que Wario, il se gratte le cul. Bon, mais si c'est l'apocalypse qui s'en vient, on peut suggérer aux gens de se coucher par terre avec un sac de papier sur la tête. Ouais, puis de manger ben du sel puis de boire de la bière. Ouais, ça va pas aider, mais Mais non, on mais sait jamais. ben ça peut aider parce que ça leur donne à peu près, je pense, 2 secondes de plus de survie dans l'espace. Le sel? Le Non, sel, mais se oui. mettre Le un sac sac en de papier papier? sur la tête. Non. Parce que quand de la Ouais, Terre ouais. se fait désintégrer, je veux dire, il reste déjà pas en grand-chose à la fin. Ben, il reste plein de petits mondes avec des sacs sur la tête. Je me demande ce que ça fait si on envoie la Terre se faire désintégrer sur la lampe à mouche. Non. Long silence. C'était du François Pérusse, là. Ah, ok, ben je connais pas beaucoup ça, François Ah, Pérusse. c'est sur l'album Pirate. Je connais pas beaucoup ça, l'album Pirate. Tu connais pas beaucoup ça? Tu penses-tu On que la devrait brigade SNW, on devrait faire un album Pirate Ninja? peut-être. Peut-être, ouais. Ouais, là, on a un grave problème. Parce Quoi? que on sait jamais de quoi parler dans ces maudits podcasts-là. Mais c'est sûr, c'est ça le concept. Ouais. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que. Je veux dire, le premier, on avait fait un test, on s'est dit, bon, on va peser ce record, voir qu'est-ce que ça fait, 16 minutes avant l'apocalypse, pas de montage, pas de sujet préalablement établi. Puis là, ben, on s'est rendu compte que c'était peut-être pas si pire que ça. Sauf que là, déjà le deuxième, puis moi je trouve que c'est mal parti, là. Un peu, mais pourquoi est-ce que mon idée de nous trouver une opening puis de la créer live, c'est pas une bonne idée? Ben parce que moi, j'ai Explique. pas d'idée. Ouais, À mais moins on. que, Je veux aide-moi à dire. trouver des idées. Mais c'est ça, un travail d'équipe, là. Bon, ben, C'est ça que go. je m'attendais à ce qui arrive, c'est juste que t'étais pas ouvert à l'idée au départ. Bon, ben, il reste 4 minutes. Go. Ok, ben moi j'ai proposé de chanter une petite toune de genre 10 secondes au début. T'étais Puis, pas d'accord, je ben, pense. moi, je trouve que c'est juste qu'on sera pas capable jamais de la synchroniser. Ça va être Mais on juste s'en tellement fout un laid. peu. Avant, quand on faisait des podcasts au téléphone, justement, ça nous est arrivé une couple de fois de parler ensemble, mais que c'était désynchronisé puisque t'étais pas capable, puis c'était drôle. On pourrait pas avoir une phrase à la place, genre quelque chose comme nos autres podcasts là, mais ça serait genre quelque part dans le vaste monde, je sais pas, la brigade SNW prépare la contre-attaque de l'apocalypse. Tu Mais sais, tu trouves une pas qu'on a phrase, déjà pas une chanson. surexploité ce concept-là? Non, mais au lieu d'une chanson, ce serait une phrase. Premièrement, ce serait plus facile. Ok, mais j'aimerais vraiment ça que ça y ressemble pas. Je veux dire, dans mon ordi, là, à soeur, quand je clique dans section podcast, il y a comme 2 dossiers, ça amène à 2 dossiers, ça amène genre à la première génération de podcast, tu sais, tous ceux qui sont montés pis tout, puis la deuxième génération qui a genre 16 minutes de l'apocalypse dedans. Fait que je considère que D'accord. c'est comme les phrases comme quelque part dans le vaste monde, blablabla, ça fait partie de avant. Ouais, ben, ce qu'on peut. Non, mais moi, ce que j'avais dit, c'est que tu sais qu'on faisait les podcasts avec les capsules. Je veux dire, là, on a un podcast qui, le montage est presque fini, qui va sortir, genre, potentiellement lundi. Il me semble que c'est ça qu'on avait dit. Ça? Bon, fait que là, après ça, on avait dit qu'on enregistrait les ca en capsule. Bon, mais ben, les capsules, on pourrait garder, genre, le même opening qu'avant. Ben, je Quoi qu'on sais avait pas. aussi suggéré qu'on changeait le nom des capsules. Ouais, c'est ça, Puis ben, je sais que. pas, mais je pense que l'opening, on l'a déjà exploité, puis on peut comme trouver des nouvelles choses. Donc, tout changer pour du nouveau stock. Ah, oh, moi, je suis pas contre l'idée, mais je persiste à croire qu'une phrase, c'est mieux qu'une toune. Ok. Quel genre de Maintenant, phrase? quel genre de phrase? Bon, c'est sûr qu'il faut parler de l'apocalypse. Le but, ça serait genre que quelqu'un qui tombe sur, mettons, le sixième podcast, puis qui sait pas c'est quoi le concept, ben, il pourrait, Ok, genre, genre. dans la première phrase, avoir déjà toutes les informations Mais ça, nécessaires. mais dire quelque chose comme. Ceci Oui. est un court intermède de 16 minutes qui précède directement votre apocalypse. Enjoy. quelque chose dans ce genre-là. Ouais. Ou un message genre. Tu sais, un message officiel, genre intercom. Comme si c'était un message, genre, annoncé à l'intercom, genre. Attention, attention, il ne reste que 16 minutes avant l'apocalypse. On T'as pas vous prie entendu? de ne pas. Oh! Il nous reste une C'est minute avant l'apocalypse. Oh shit! Mais continue ce que tu disais, là, je pense qu'on a le temps d'en parler. Ben, quelque chose du genre. Une phrase officielle qui Ouais. dirait genre attention, attention, il ne reste que 16 minutes avant l'apocalypse, on vous prie de ne pas paniquer. Puis là, ben, après ça, c'est genre deux gars qui se mettent à parler pendant 15 minutes de façon totalement veg. Parce que je veux dire, l'apocalypse, c'est pas si stressant que ça finalement. Hey, non, c'est Quoique ça, le que là, il nous reste 25 Ah oui, secondes. on pourrait finir toujours comme ça, par exemple. Comment ça? C'est notre mot de la fin, on dit genre bon apocalypse à tout le monde, bonne mère. Ah, peut-être. Sauf que là, il reste beaucoup de temps, mais je deviens Ça stressé. va couper, hein? Alors, David, Bon apocalypse, je t'ai toujours aimé. Ben, pas vraiment, là. Non, Je te souhaite bonne chance dans l'autre.